En manchette ce soir, on parle de chat, de géologie, de caca, et moi je trouve que Toblerone, ça devrait être la barre chocolat officielle de We Are Wolves. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marde en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. La seule solution, encore une fois, bienvenue tout le monde, on est revenu des vacances de Noël. Yay! On va faire comme d'habitude, parce que avant, c'est pas nécessairement vrai qu'on est revenu avec un show totalement différent et original. On est un petit peu resté comme on faisait avant, parce que là, on va parler de nouvelles intéressantes. Ouais. Excellent. Tu commences avec une... Ah ben non, mais on va dire salut à Émilie. Salut à Emma, qui est là pour nous parler d'une aventure... Bonsoir! Oui, Émilie qui fait une émission de radio juste avant nous. Oui! On a... Non, attends un petit peu, on en reparle. Elle veut là, là. Non. Parce qu'elle veut s'en aller. Ah, je te soutiens tes paroles. Bon, ben c'est... Ah, c'est gentil. Bon, oui. Il y a Emma qui nous parle de Garou. De Garou et Laurie. Garou et Laurie, parce que je savais pas ça, moi. Ça a été un... J'ai été jeté à terre. J'ai tombé en bas de tout c'est ce qui m'est... C'est un couple. C'est ce que c'est. Ça, ah, je les ai déjà vus ensemble, si je peux me permettre. En là. Vrai? Vrai? En vrai? En vrai? Au Archambault, à Sherbrooke. Mais oui, tes parents viennent de là à Garou, toi. Ben, c'est ça. Ben oui, ils faisaient des shows au Liquor Store à Magog. Eh hey, oui. Puis là, j'ai vu ça. Une petite fille qui avait de l'air de 18 ans avec des joggings puis de Lulu. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est qui cet énergumène-là? Eh bien, c'était Laurie, oui. la petite française. 10 ans de différence les unit. Voilà. Exactement. Toute beauté. Des nouvelles? Sinon, oui, moi, je vais parler de Sale Commando, qui est le film qu'on va aller écouter au Rocket ce soir. Un film avec Michael Dudikoff, qui met en scène le meilleur des meilleurs, qui est engagé pour une dernière mission par un riche milliardaire qui s'est fait kidnapper sa fille au Vietnam. Non. Donc, on est pas mal en terrain connu. Et puis, Israël, toi, tu vas nous parler de Noël. Ouais, je vais vous parler de mon merveilleux temps des fêtes dont j'ai passé une partie avec toi. Ah oui, on était là. On n'était pas tout là, mais on était là. Pour l'instant, on va commencer avec une toune. Ça va être laquelle? Soit que c'est le... Ah tiens, ça me tente de mettre ça. Ça fait longtemps. C'est pas super bon, là, puis on va passer au travers. Puis on vient à 70%. C'est Doudou la Rumba. J'allais commencer l'année 2008 avec quelque chose de pesant, de solide. Je me suis dit, Doudou la Rumba, c'est pas mal la seule affaire qui pouvait combler tous les besoins que je viens de mentionner juste avant. Sinon, toi, Émilie, c'est quel besoin auditif que t'aimes combler à ton émission de radio? Quel besoin auditif? Oui. Ben, le besoin d'auditeur qui tripe francophone. OK. OK. C'est ça. Fait que tu passes du francophone. exclusivement. C'est-à-dire des chansons qui sont en français. Oui, t'as tout bien compris. Hey, et puis, mettons, des fois, quand ils... Non. Une... Est-ce que tu joues à Magic? Est-ce que je joue à Magic? Ouais. Pas du tout. Non. Tu ne sais quoi? Ben, les cartes, là, où on prend des rôles, ouais. Bon, c'est une grandeur nature et tout, là. Ouais. Ah, non, ça fait pas triper, ça. Ah non? Ben non. Pourquoi? Bon... Quand qu'à se prendre pour un autre, on va se prendre pour un autre actuellement. Faites-vous en poche, Charles Tissard, le théâtre. Bien sûr. Faites-vous en poche, Charles Tissard, non plus, moins en moins. Mais ben là, t'es en train de me dire qu'au théâtre, c'est correct de se prendre pour un autre, mais pas dans un jeu de rôle. Non, mais ça, le Moyen Âge, ça me fait chier, ça m'intéresse pas dans la Côte de Maille, puis non. Non? Non. Non, c'est comme, okay, mettons, les théâtres, le théâtre de Shakespeare, t'aimes pas ça. Ben là, tu creuses un peu loin, mais oui, j'aime ça, mais ça n'a aucun rapport, en fait. En fait, elle aime pas les geeks donjons, parce que les geeks donjons, tu sais c'est quoi? C'est pas sexy. Ben, c'est pas vrai, je suis ça, sexy, c'est ce que c'est pas, geek ça. Donjon, moi. Non, oui. Ben. Oui. Je devrais peut-être changer d'opinion, alors. Ben non, c'est correct, c'est juste peut-être de la travailler, parce qu'il y a tellement de monde qui dénigre les jeux de rôle, et puis pourtant, ben, c'est comme le théâtre, c'est juste que ça coûte moins cher à faire. Puis tu peux participer. Puis c'est ça. Puis tu peux changer l'histoire. Ouais, en tout cas, c'est correct. Non, je préfère le Garou. Tu préfères le Garou. On ne juge pas, là. Garou, ben. Ouais. Non. Mais je sais de quel jeu elle parle, elle. Oui, les jeux cochons, là, ouais. Ah. Non, les jeux cochons avec Garou. Avec ok, Laurie. Moi j'aurais des loups-garous, ouh là là! Ah non, mais toi, Émilie, est-ce que tu serais du genre à venir aux Roquettes écouter un film pas bon pour lui lancer des acquis? Ben, peut-être bien, mais c'est parce que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un après. Ben, c'est en fait, une date? Non, pas du tout. Pas bon, du tout. Ben, pas fuck du tout. Ça. Ben, peut-être que je vais venir avec cette personne-là, qui sait? Ben, sinon, ben, dans le futur, quand tu vas venir, moi, te payer une bière parce que maintenant, on est rendu des collègues de radio. Mais bien on sûr. Fait ça un après l'autre. Tout à cool. fait. Hey, sinon, Bruno, tu vas me lire une nouvelle maintenant. Right okay. now, live, avant qu'on aille écouter un petit bout de Réal V. Benoît. OK. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a encore pas mal de son entrevue à passer. Alors, est-ce que vous avez passé un joyeux Noël? Non, répondez pas tout de suite, écoutez ceci avant. J'ai trouvé le lauréat du gars qui a le droit de dire non quand on lui demande s'il a passé un bon Noël 2007. Robert Schoff, 77 ans, a commencé son Noël avec un problème de toilette. Il est donc allé à sa fosse septique afin de trouver le problème. Un amas de trucs qu'on trouve dans une fosse septique bloquait son tuyau. Il a donc essayé d'enlever ce bouchon. L'homme a ensuite perdu l'équilibre et est tombé dans sa fosse septique, la tête coincée à l'intérieur, puis les pieds à l'extérieur. Après environ une heure à crier pour obtenir de l'aide, sa femme l'a trouvé. Les pompiers ont ensuite délogé de façon très sécuritaire. Alors, est-ce que vous avez passé un bon Noël? Il était pris dans le caca! Aïe, aïe, man, hein, ça, c'est pas le plus beau. On veut une autre nouvelle? Ouais, vas-y, une autre. OK, on peut rester dans le caca. Oui! Vous avez toujours rêvé d'avoir du caca brillant? Oui. Moi non plus. Certaines personnes, oui, semble-t-il. Eh bien, si vous avez cette envie, c'est maintenant possible. Tobias Wong a créé une pelule contenant des feuilles d'or 24 carats garantissant des excréments Metal Flake. Pour 425$, vous pouvez acheter la nouvelle pelule d'or et faire de ce rêve une réalité. Oh. Merci. C'est quoi le titre de ton émission, Émilie? Francard. Est-ce que tu dis ça quand que... non. Pendant ce temps, au Darfour, les enfants meurent de faim. Hey, c'est débile. Y a-tu du... Attends. Quel genre de crédit faut donner à un gars qui a le génie incroyable d'inventer une pilule qui fait que quand tu chies doré? Oh. Quel genre de remarque ou, je veux dire... Personne l'a fait avant lui? En réfléchissant à ça, je pense qu'on va aller écouter un bout de Réal V. Benoît parce qu'il nous en reste encore pas mal d'entrevues à passer. Le monsieur était très sympathique juste avant Noël. On va en écouter un 10-15 minutes puis on va revenir parler des vraies affaires à 70%. Yes. Oui, oui, oui. Il faut ça. On va parler de Garou après. C'est des photos de ça, vous allez voir. C'est flatteur, en tout cas. En passant, on recommence à l'exact endroit où on avait arrêté la dernière fois. Moi, c'est les rapporteurs officiels qui est sûrement une de mes 12 préférées. Fait que, vas-y, mon champion. C'est comme ça que s'appelle votre émission? 70%. Effectivement, on est à 70%. L'émission qui donne le strict minimum, ceux qui se ramassent avec la moyenne générale. Le but, en fait, de la question que j'ai posée à toutes les invités qu'on a eues, est-ce que Réal V. Benoît, tu joues à Magic the Gathering? Non. Claude Air Knight? Non. Bon. C'est la même réponse que tout le monde. J'ai aucune idée ce que ça peut être. En fait, il y a eu Israël quand il est passé en tant qu'invité avec son band qui a répondu oui, puis on a eu un esprit parce qu'on a joué à Ouija en onde l'autre fois. Et puis on a eu un esprit qui nous a répondu qu'il jouait à Magic the Gathering. Parce que moi, je me rappelle, hein, à l'épicerie Windsor dans le vieux Noranda, là, j'habitais à Val-d'Or dans le temps, puis on montait tout le temps à l'épicerie Windsor pour aller acheter des cartes, là, parce qu'il y en avait plein, puis c'était comme moins cher. Fait que c'était notre trip, là, quand j'avais 16 ans, moi puis mes frères, là, on descendait à Rouyn-Noranda, là. Les vraies aventures, les vraies valeurs. Sinon, ben, Rouyn-Noranda, c'est quand même une ville assez culturellement animée, je pense. Je sais pas si ça a tout le temps été comme ça, ouais, peut-être plus ces temps-ci. Et puis, en plus, il y a une espèce de cosme gay qui se développe là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, là? L'espèce d'homosexualité, la présence que ça a en région. Chez nous? Ben ouais. Ouais, parce qu'on est comme le Montréal de l'Abitibi. Ils veulent pas, il y a la station D, et puis là, ils ont leur place, et puis ben, mon Dieu, c'est pas, autres, c'est pas un monde que, c'est pas un monde qui sur lequel je m'arrête pour réfléchir. C'est une bonne réponse. Plus que jamais. Je pense que la station D existe plus. Je veux dire, je suis pas plus sûr que ça. Je veux dire, moi, jamais été là de ma vie. Non, moi non plus. Elle est exactement à la même place, mais c'est rendu une station à blues. Non, c'est rendu le respectable blues, mais la station D a déménagé. Pareil, il y a un autre bar. Ils ont trouvé une autre place. Bon, ben, pourquoi? Non, c'est. Vas-y donc. Ben, pourquoi que les gens de Montréal, ils suivent plus que nous autres? Fait que ça n'allait pas. Ah non, mais moi, le nightlife de Rouyn, je le connais. D'ailleurs, je voulais savoir si Réal V. Benoît sortait encore dans les tavernes. Non, je sors de moins en moins dans les tavernes. Je veux dire, c'est plus comme avant les tavernes. Moi, là, on finissait le vendredi soir, puis on arrêtait de prendre une bière dans une taverne. Là. On se réunissait là, un groupe de personnes, puis du travail, 5 à 7. Ben, d'une taverne, là. On était entre nous autres, puis on pouvait se parler de choses sérieuses. Là, okay. Et puis. C'était une chose qu'on a vu disparaître. Moi, je trouve, malheureusement, parce que je trouvais que ça faisait bien que tu te rassembles entre gars à des places pour parler de hockey ou de ton vieux char ou de ton boss ou de des affaires de gars, là. Oh, oui, je veux dire, oh, puis tu bois de la grosse bière, là. Oh, oui. C'était... Elle avait l'air plus grosse à ton époque, en tout cas. Non, elle est grosse de même. C'était le fun, le vendredi soir. Je veux dire, c'est quelque chose que je pense qu'on a perdu. Les tavernes sont encore là. Je veux dire, la taverne des sports est encore là. Ouais, quand je vais à Rouyn, je sors aux sportifs. Ouais, mais ils sont encore là, mais... Oui, ben c'est ça, mais... Mais dans ce temps-là, les gens se mariaient. Puis c'est là que tu parlais. On parlait du mariage, on parlait des gens se mariaient, on pouvait leur expliquer comment ça se passait et tout. C'est là que les chansons, les femmes, le mariage est sorti et tout quand ça. Quand je sors au sportif à Rouyn, j'espère pas ramener une fille. Là, mais vous autres, vous n'avez pas connu les tavernes comme nous autres, on a connu les tavernes. Ouais, dire, c'est pas pour rien que les bonnes femmes ont sauté là-dedans et qu'ils ont voulu nous sauter ça. Il y avait-tu des dames dans les tavernes? Il y avait des? Des dames, des femmes. Pas du tout. Zéro? C'était un endroit masculin, point final. Il n'y avait pas une femme qui avait le droit de rentrer là. Nos femmes, ils ne pouvaient même pas venir nous chercher, là, rentrer, puis venir nous chercher par le bras, puis nous emmener chez eux. Là. On était là. Ouais? Ah ben, hey, ça n'existait pas. C'était une taverne, c'était pour les hommes. Et puis, on ferait ça, on serait sexiste. Le téléphone sonnait, puis il demandait si Claude Knight était là. Le gars, il disait non. Il n'est pas ici. Là. Il disait pas « Je vais crier son nom. » Voici. Ah non, c'était spécial, ça. Les tavernes, c'était bien. Ah, ben. C'était très bien, même. Il y avait la taverne, la Plaza. Puis là, il y avait deux barbiers. On avait des barbiers. Il appelait ça des barbiers. Parce que... Puis là, comme il dit, la femme, elle l'appelait parce que le gars, il allait se faire les cheveux l'après-midi, à 2 h, puis à 6 h, elle l'appelait pour la voir son chum. Puis moi, je me souviens de ça. J'étais assis à la chaise, en train de me faire les cheveux. Puis là, le téléphone sonnait. C'est le barbier qui avait la travail, lui, là, de répondre au téléphone. « Claude, t'es-tu ici? » Là, il prenait le téléphone, puis il me laisse sur le coin. Il continue à sa job. Puis les bouteilles brossaient, puis les gars comptaient à lui mentir comme d'habitude, pas au bout de 10 minutes, que tôt 5, 10 minutes. Il reprenait le téléphone, il dit « Ah, on le trouve pas, il doit être parti. » C'était comme ça. Excellent. C'était toute une grande conspiration. C'était vrai, ça. Puis c'était pas mal un arrêt... pas nécessairement obligatoire, mais c'était un arrêt régulier. Le vendredi, après le travail, là, les arrêts étaient là. Dans le bon sens. Ouais. Avec les vraies valeurs, puis le Canadien qui gagnait c'est dans ce temps-là. C'est là aussi des phrases comme... C'était une équipe de hockey, ça. Ouais, c'est ça. C'est là aussi des chansons comme La Recommençation, là, qui sont nées là, suite à des expériences comme ça. Ben oui, mais là, t'es en train de nous dire que ça a été un bon terreau fertile pour une inspiration pour des chansons, là, ces rencontres sociales-là. Ben, je veux dire, c'est, ça faisait partie des. Si toi t'écris des choses, ça fait partie de ça fait partie de ta vie, puis ça te touche particulièrement. Regarde, je viens juste d'en parler. Je dis, c'était pour nous autres, c'était important, puis pour nous autres, c'était on faisait pas des péchés mortels là-dedans, là, mais c'était agréable de se rassembler entre hommes. Tu dis là, il y a personne d'autre que nous autres qui peut rentrer. C'est comme un club, ça, là. Hein? C'est important, c'est le fun, ça te donne du prestige. Voilà, ouais, monsieur, puis ouais, ça, c'était. Ça, c'est important. Puis tu sais, quand tu dis, là, nous autres, comme Claude disait tantôt, on se mariait, puis on restait avec nos femmes longtemps. On est encore avec les mêmes, nous autres. Donc, tu sais, quand tu dis, là, ici, tu peux pas venir me chercher, là. Tu sais, moi, j'y contrerai bien à soir, mais j'arrive chez nous, qu'est-ce qui va se passer, là? Mais là, je suis en sécurité ici, t'es pas d'arrêt, là. Le barman, il va lui dire que je suis pas là, puis elle peut pas rentrer me chercher. Donc, c'était le fun. C'était pas méchant, c'était juste agréable. D'ailleurs, parlant de ta femme, elle est gentille, oui. Ah oui, mais moi, c'est une femme que je trouve bien gentille. Ça fait 43 ans, 45 ans qu'on est ensemble. Je pense que je trouve ça. Le fun que je sois encore avec ma femme, je veux dire, ben tu peux pas imaginer les liens que ça peut créer, une vie commune de 40 ans de temps. Ben oui, comment tu finis par connaître la personne? Comment tu finis par être capable de t'adapter à... Moi, je sais comment elle vit, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, et c'est réciproque pour elle aussi. Donc, c'est tellement agréable de vivre ensemble, d'avoir quelqu'un... À qui tu peux parler? T'en rappelles-tu, chérie, quand on a acheté notre premier ménage ou quand on a aménagé dans tel appartement? Comment qu'on a eu de la difficulté? Tu sais, elle se rappelle de tout ça, là. Tu sais, c'est agréable. C'est moi qui vois ça comme ça, là. Puis tu peux reculer dans le passé puis vivre avec cette personne-là. Tu as des enfants? Moi, j'ai une fille. Ça, c'est une autre affaire de ma génération à moi. Nous autres, on vient toutes de familles où il y avait 7, 8, 9 enfants. Nous autres, on avait de la misère. Je veux dire, sans être misérable dans nos familles, là, tu sais, on était des fois trois dans la même chambre, puis on vivait comme on pouvait. Puis nos parents, ils essayaient de nous aider le plus possible. On n'est pas allé à l'université parce que mon père, il avait pas d'argent pour m'envoyer à l'université, etc., etc. Je veux dire, c'est des choses qu'on a vécues. Puis moi, je me rappelle, j'ai dit, moi, là, ça se passera pas comme ça dans ma vie à moi, là. Mais je vais avoir un enfant, puis mon enfant va avoir une chambre. C'était important pour moi que mon enfant ait une chambre toute seule à elle, parce que moi, là, j'ai eu ça bien tard dans ma vie, tu comprends-tu? Puis, on est virés, nous autres, là, à l'autre extrême. On est devenus totalement égoïstes. Moi, j'ai eu un seul enfant, puis dans plein de mes amis, il y a juste un enfant. Aujourd'hui, ben, faut bien vivre avec les conséquences de nos actes, là. Je veux dire, j'ai cette fille-là qui est rendue aujourd'hui à 40 ans. Et puis, moi, je suis avec ma blonde encore à 60 ans. Puis, moi, je trouve qu'on a une belle vie, tu sais. Je trouve que j'ai eu une belle vie dans la vie que j'ai vécue. J'ai vécu assez bien, puis j'ai fait pas mal de choses que je voulais faire, plus que mes parents, ça, c'est certain. Puis, est-ce que ces deux femmes de ta vie-là, c'est des grandes fans de tes chansons? Bien, moi, je te dirais que ma femme, chaque fois que c'est possible, elle travaille encore, elle travaille dans un... Elle est vendeuse dans un magasin, puis elle a pas quitté son emploi. Elle aime ça, puis elle a décidé de continuer. Puis chaque fois qu'elle peut venir avec moi à Montréal, quand je fais un récital ou à quelque part d'autre, elle est là, ma femme. Elle n'a pas manqué un. Et puis ma fille, je te dirais non plus. Ma fille, elle demeure à Gatineau, pas loin d'ici, puis que son père il soit à Sherbrooke, que son père il soit à Montréal, que son père il soit à Rouyn-Noranda, ma fille est tout le temps là dans la salle. Elle a, je pense, jamais manqué un récital de son père depuis le retour. Donc, tu me demandes si elle aime ça. Elle avait peut-être pas l'âge dans le temps, 40 ans. Mais moi, Nathalie, elle avait, dans ces temps-là, elle avait peut-être 2 ans, 3 ans. Moi, je me rappelle, j'ai fait la butte à Mathieu à Val-David. Là. Okay. Quand on entrait là, on faisait une semaine, mettons du lundi au dimanche. Ah, ouais. On faisait du mardi au dimanche, quelque chose. En tout cas, on faisait 6-7 jours d'affilée, puis on demeurait là, sur place. Puis, tu sais, moi, ma fille, elle se couchait en arrière du bord, je me rappelle, parce qu'on l'amenait avec nous autres. On la couchait en arrière du bord. On avait amené un oreiller de notre chambre, puis on la couchait sur des caisses de bière en arrière du bord, puis elle dormait là, Nathalie. Oh, son père, il faisait son spectacle. C'est tout bucolique. Quand elle dormait pas, là, je te le dis, Tommy, quand elle dormait pas, elle venait s'asseoir. Des fois, elle s'assoyait à côté de son père. Ça. Pendant que vous jouiez? Oui, oui, oui, oui. J'ai des photos de ça. C'est fantastique. Ça doit être assez fait que tu vois, le, tu vois l'ambiance. Là, de... elle aimait déjà ça avant de parler. Elle était toute petite comme ça. Puis, ah, oui, je me rappelle de ça. J'ai des photos de ça. Sinon, est-ce que tu as eu le temps de te faire un jeu vidéo préféré avec le temps? J'ai jamais joué à un jeu vidéo. Jamais? J'ai jamais joué. Même pas Space Invaders. Jamais rien. Je saurais même pas comment faire démarrer le jeu vidéo dans mes. Puis, je suis pas quelqu'un d'Internet. C'est quelque chose qui m'a été imposé dans ma vie. Moi, là, j'avais 40 ou 50 ans quand la compagnie a mis le premier ordinateur sur mon bureau, là, puis a dit, dorénavant, là, on travaille avec ça. Toi, je te jure, il était là 6 mois de temps. Il a été 6 mois de temps sur mon bureau, puis je ne l'avais pas ouvert encore. Tu sais. Puis le boss, à un moment donné, il dit, je t'ai envoyé des messages. J'ai dit, c'est quoi un message? Tu sais. Puis là, il a ouvert l'ordinateur, puis j'avais 22 messages. Je me rappelle comme si c'était hier. J'avais 22 messages depuis, je ne sais pas, un mois. Sur mon, c'est de plus en plus. J'avais jamais ouvert mon ordinateur. Après ça, ben là, je l'ouvrais le matin, à chaque matin. Après ça, je refermais ça. On avait développé nos méthodes de travail avec le temps, ah, les autres. Puis ça marchait, là, tu sais. De là, me convaincre, moi, que m'asseoir sur ton bureau, ça va aller beaucoup plus rapidement. Puis là, moi, là, faut que tu me convainques de ça. Là. J'ai déjà développé ma méthode, puis elle fonctionne très bien. Là. Donc, c'est comme ça que ma vie d'ordinateur a commencé. Puis les jeux, mais je suis pas un sportif, moi. Hein. Je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas sportif, donc... Sportif de salon. Je suis un sportif de rien. Je veux dire, je fais de la lecture, j'aime écrire mes affaires, j'aime jouer avec ma guitare. Je suis un solitaire. Donc, les jeux-là, je suis pas capable. Mais un coup, les gars à ma fille, eux autres sont nés avec ça dans les mains. Donc, eux autres, ils ont, je sais pas, 16-17 ans aujourd'hui, ces gars-là. Puis eux autres, ils disent, viens, grand-père, on va jouer au jeu, mais je suis pas capable de rien faire avec eux autres. Puis, je suis vraiment. Puis, ils rient de moi, là, tu sais, je veux dire. Ils s'aperçoivent que je patine en arrière, puis que je suis pas capable de les rejoindre. Ben là, hey, je suis tanné de faire rire de moi, moi, là. Fait que je touche pas à ça du tout. Ben, c'est correct. Un film. Les jeux que tu viens de mentionner, je sais même pas. Une bande dessinée, oui. Non, pas non plus. Non, bon, des films. J'ai pas de films préférés non plus quand ça me tente. J'aime le cinéma. Okay. Je vois là, je regarde les 5-6 films à l'affiche, j'en prends un puis je vais le voir, mais j'ai pas de film. Tu sais, j'ai pas un genre de film préféré Je dis à ma blonde, on va-tu passer une soirée au cinéma? On s'en va là, puis on regarde. Ah, oh, regarde, tiens, on va rentrer là. Est-ce que t'aimes les films on fait de ça ninja? Comme ça. Non. Non? Non. Voyons donc l'autre. Je connais pas. On a l'air arriéré, mais c'est comme ça. T'es un grand lecteur, par exemple. Ah, oui. Réal, c'est un fanatique. C'est un fanatique des biographies, si tu parles de biographies. Ah, ouais, c'est ça que tu lis, les biographies. J'adore les biographies de gens qui ont... La dernière que t'as lue? C'est... Jean Charbonneau, le directeur de la Chambre des communes, président de la Chambre des communes. J'adore les livres politiques. J'adore les président de la Chambre, il était un péquiste. J'adore les livres politiques qui parlent de la politique. Parce que je pense que c'est eux autres qui ont fait l'histoire dans laquelle moi je vis aujourd'hui. Là. C'est tous ces gens-là. Là. Puis j'aime savoir pourquoi telle personne, tel premier ministre, tel temps a pris telle décision. Tu sais, ça va même jusqu'au Patriote en 1837, puis même la Constitution, puis tout ça, ça m'intéresse ces affaires-là. Pourquoi moi je vis dans ce monde-là aujourd'hui? Il y a des raisons, là, tu sais, là, ouais. C'est pas juste arrivé comme ça. Il y a des raisons, donc j'aime ça. Puis ce Charbonneau-là que je te parle, ben lui, il vient juste de sortir son livre, ça a sorti il y a 2 semaines, j'ai mis la patte dessus, puis j'adore lire ces livres-là, ou des biographies de personnes qui sont grandes aujourd'hui, puis... Comment qu'ils ont fait... comment je dirais bien ça? Moi, comment ça se fait qu'un grand acteur ou un grand comédien ou un grand chanteur a réussi à passer à travers tout le... groupe de gens, tu sais? Moi, je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de talents extraordinaires qui n'ont pas la chance que ces gens-là ont eu des fois, puis qui vont peut-être mourir dans l'oubli sans que personne sache ce que ces personnes-là ont fait. Puis c'est peut-être des fois meilleur que celle qui a réussi, elle, à passer à travers des mailles du filet, puis sortir de... Non, c'est sûr. Puis tu regardes ça, c'est souvent des hasards. La personne était à la bonne place au bon moment, puis ça fait que... La bonne personne. Ouais, tu dis, j'ai rencontré la personne de ma vie, tu sais, ça... ça n'allait pas là pour ça, ça en aurait juste mangé une bonne sandwich ouais. d'un restaurant qui aime en particulier, bang, arrive en pleine face avec quelqu'un, puis ça change sa vie du tout au tout. T'sais. Ça, ces affaires-là, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Pour se remettre, mettons, dans le bain un petit peu, le début années 70, quand Réalvé Benoît va enregistrer des vénères. Je pense qu'on va mettre ça de côté. Est-ce qu'il peut faire ça à Rouen ou il faut absolument monter à Mont? Non, ça va être la fin pour l'instant de, voyons, c'est quoi qui se passe là? De l'entrevue avec Réalvé Benoît. On va écouter un petit bout d'un sketch de François Pérusse qui vient de son album du Pop Tome 7. Je l'ai acheté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un album. On revient après pour apprendre sur Garou et Laurie. Ouais. Le message suivant a été retenu et payé, et ensuite relâché, puis retenu encore contre le mur avec une coupe de taloche par votre gouvernement qui vous rappelle qu'un problème de jeu peut être un problème. Jean-Marc joue. En fait, il a un problème de jeu. Son fils donnait un spectacle de fin d'année à l'école et Jean-Marc était pas là. Tous les autres y étaient, sa mère, ses sœurs, même les oncles et tantes, puis le gars qui déneige l'entrée, puis sa grand-mère paralysée venue en poussant elle-même sa brouette. Mais Jean-Marc, son père, était pas au spectacle de son fils. Pourtant, tout le monde y était. Victor Hugo, Samson Belair, l'Impact de Montréal, Jésus, Donald Pilon, Justin Timberlake, Sonia Vachon qu'une boîte de tête, mais pas Jean-Marc, son père, qui est en train de jouer au jeu en juin, qui était pas au show de son fils parce qu'il jouait du jeu. Ah, tout le monde était là au show de son fils. Orville Redenbaker, François Paradis, Ben Laden, Serge Laprade, Bono, Steve Jobs, Colette Provencher, Lippy Le Lion, Le Cœur de l'Armée Rouge, Tony Blair, Flipper, Mitsu, Radek Bong, Jim Morrison s'est fait déterrer pour l'occasion, l'inventeur du Smoothies de McKinney, mais Jean-Marc, pas là. Parce qu'il jouait du jeu, des cartes, au jeu. Son fils, dans le spectacle, était pour aller voir son fils, au show. Parce qu'il jouait du jeu, des cartes. Tout le monde était là au show de son fils. Tout le monde. Le président de Bombardier, Cornemuse, Vincent Lacroix, Pierre Fogliopette, Pierre Répète, Marc Simoneau, le soundman de Fred Pellerin, la girafe en chef du parc Safari, Donald Trump. Mais lui, le père du show du fils, était pas là du fils de son show. Il était pas là au père du show de son fils. Il a même remporté le lauréat de celui qui était le moins là au show de son fils 2007, ainsi que le siège vide d'or de l'année à Cannes. Parce que Jean-Marc joue au jeu qu'il joue, avec des jeux. Le problème de jeu, en juin du jeu. Mais c'est pas tout. Jean-Marc a commencé à mentir. Il a commencé à mentir à sa femme, son frère, ses amis. Et puis, il s'est mis à mentir à la fille du dépanneur, au chauffeur d'autobus, même dans l'intercom du McDo. Une fois, il est monté d'une structure d'Hydro-Québec pour aller mentir à un monteur de ligne. Il est déjà allé jusque dans le bois pour mentir à deux lièvres, un arbre, une trace de chevreuil. Puis, il a commencé à courir après les chars, cogner des vitres pour mentir. Puis, il poignait des mouches dans ses mains, il tuait pas, il leur mentait. Un jour, il s'est acheté un microscope et un porte-voix pour mentir à des bactéries. Encore ce matin, il a menti à un de ses lacets en attachant ses bottes. Il a jusqu'à mentir au maire Gérald Tremblay en lui disant, toi, t'as pas l'air du gars qui mangeait voilé au secondaire. Jean-Marc a un problème de jeu qui joue parce que je joue avec des jeux en jouant des jeux. Jean-Marc a besoin d'aide. Faites le triple W, c'est le gouvernement qui vous encourage à jouer, qui fait semblant d'être concerné quand vous êtes rendu un plouc.com. Cette semaine, à la zone vibre. Ouais, c'était... ouais, ça va bien vieillir, ça, je pense. Emma? Oui? Parle-moi de Garou et de Laurie, s'il te plaît. Puis parle proche du micro. OK. Bon, bien, ça y est. Les magazines français ont eu raison du couple de Laurie, 25 ans, et Garou, 35 ans. En effet, ces deux tourtereaux se seraient rencontrés il y a de cela un an. sur la scène de la caravane des enfoirés, en janvier, pas ici, mais l'autre. Ça, c'est un show. Ouais, puis pour de la charité. Ouais, ils donnent du manger aux gens qui en ont pas, puis ils chantent des chansons françaises. Puis ils font tout le temps Femmes libérées. À chaque année, ils la font. Ouais, mais eux, cette année, Garou et Laurie chantaient ensemble Je t'emmène au vent de Louise Attaque. Oh. C'est là-dessus qu'ils se sont rencontrés. Oh, c'est beau. Puis là, ensuite, mais là, il y a eu les sorties officielles. Il a amené sa dulcinée en Espagne. Au Formule 1, il y avait les sièges VIP. Il l'a amené sur son voilier privé sur la Méditerranée. Ils sont allés en jet privé en Espagne. Oh. Puis, ils ont mangé, attention, au restaurant El Bulli, qui signifie bulldog. C'est le restaurant classifié le meilleur restaurant au monde pour la deuxième année. Puis, il faut réserver un an d'avance pour aller là. Mais lui, il a juste dit c'est Garou, puis j'amène ma blonde, puis on laisse une chaise. Ouais, il a dit elle a 25 ans, fait que tout a bien été. Mais le plus drôle, c'est pas ça. C'est que là, il y a plein de sites internet qui ont été créés depuis qu'ils sont ensemble, puis ça a l'air d'une discussion comme vraiment importante en France. Puis, il y a plein de rumeurs de mariage, dont un sur le site de Femmes en ville, qui disent que, je cite, « C'est du sérieux, car pour un Québécois, présenter sa conjointe à ses parents, ce n'est pas anodin, ça rime avec union. » Donc, voilà. Mais, je me sens de même aussi. Ouais, c'est ça. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi plein de forums de discussion sur des sites de fans, dont un que je tiens à vous lire. Oui. Un commentaire écrit le mardi 1er janvier 2008 quand même. Et je lis comme suit. Ils forment un très bon couple. Une pétasse Laurie et un vieux chômeur Garou. En tous les cas, quand je n'entends ces fichues chansons de merde, j'ai envie de lui casser la figure avec une pelle. C'est ça qu'il dit. Ça parle de leur amour. Oui. C'est vraiment pas pire. Il y a aussi des statistiques. 95... Allez, allez. Oui, il y a 95,3% des gens qui ont voté qui ont dit que ça ne durera pas. Trop grande différence d'âge. On est qui pour juger? 2% que c'est une invention de la presse pour relancer leur carrière respective. 1,6% que c'est une conquête de plus pour Garou qui ne fréquentait que des top modèles avant. Je sais pas, moi. Ben oui, sa première femme, Ulrika, dont il a une petite fille, Émilie. Ulrika. Il semble qu'il manque un V dans son prénom. Non, mais il y a aussi 0,8% qui disent que c'est tant mieux pour eux, puis 0,4% que Laurie a trouvé un homme, un vrai. Donc, ah. Voilà. Oh oui, et le site officiel de Garou tient à démentir la rumeur de mariage. Ah, ben il a même envoyé un communiqué que le 16 jours s'est empressé de publier. Aïe, aïe, on avait quelqu'un sur le terrain, c'est vraiment de la bonne information. T'as pas dit tout à l'heure, tu sais, on a parlé dans les coulisses de l'émission, c'est tellement big, ici, que t'avais une coupe de paroles. Ah de oui, Laurie, c'est magnifique. Puis, oui, j'ai, ah oui, des phrases de Laurie. Ah oui, j'ai des titres de chansons, là. Vas-y. Des chansons profondes, là, comme des bandes de neige, là. Donc, je vais vite, je fonce, j'ai besoin d'amour. Un amour XX large, fashion victime, je serai ta meilleure amie, c'est fini, baggy, bandana et poésie, laisse faire le fun, se donner la main et je t'aime maman. Fait que ça, c'était tout, bien sûr, des c'est titres, des de, titres de Laurie. De Laurie. Je pensais que c'était un long titre. Oh non, non, c'est plein de titres, mais dans les paroles, il y a « Laisse faire le fun » qui est très magnifique. « Laisse faire le fun, si tu suis ton cœur, le destin fera le reste. Laisse faire le fun, tu n'auras plus peur, on t'appellera de best. Laisse faire le fun, de Londres à Paris, à New York ou n'importe où. Laisse faire le fun, c'est juste pour toi, c'est juste for you. » Merci beaucoup, Emma, d'être venue nous parler. J'espère que tu vas revenir dans le futur. Ouais. D'ailleurs, toi, Emma, est-ce que tu joues à Magic? Non, je joue pas. Bon. Mais j'ai déjà eu des chums qui jouent à Magic. Ah, ça prouve que, ouais, ça que peut ça marcher pour toi. Ça peut marcher pour moi. Ouais. Hey, donc, on va écouter des séquences de Sale Commando. Parce oui, qu'il ce va serait falloir temps, faire ouais. ça. Là. Je n'ai pas sorti beaucoup parce que, bien sûr, c'est Réal V. Benoît qui est notre superstar aujourd'hui. Mais, ce nonobstant, on va écouter ici la séquence du début. Parce que Sale Commando, comme j'ai dit tantôt, c'est un film qui met en scène un riche mieux avant. Du coup, on va l'écouter. Major. Tiens, un général sans uniforme. Je vous présente Monsieur James Prescott, fondateur et PDG de la Prescott International et directeur des industries biotech. Écoutez, Oliver, je vais vous expliquer. Ces deux dernières années, ma fille a travaillé pour le bénéfice des Nations Unies. Un vrai conte de fées. Quel rapport avec moi? Eh bien voilà, son avion a été touché hier, un tir de missile, au Vietnam. Les militaires ont réussi à localiser son avion. Ils ont retrouvé des corps, mais pas Gabriel. Ils ont été descendus par le Front de Libération Nationale, un groupe de guérilleros. Leur chef s'appelle... Il s'appelle Mock. Oui. J'en ai entendu parler. Qu'attendez-vous de moi? Je veux que ma fille revienne, Oliver. Et je suis prêt à payer le prix fort si c'est nécessaire. Enfin, dans le cas où vous pourriez m'aider. Non. Je ne peux pas vous aider. Et voilà, c'était le premier extrait. Il y a ça qui est en train de discuter de ça. En fait, il est en train de discuter de ça dans la cafétéria du centre pénitentiaire ou le comment? On entendait des bruits de monde qui mange. Ouais, je me disais qu'il y avait que c'était dans un restaurant, mais c'était une cafétéria. C'est ça, ouais, voilà, c'est vraiment une cafétéria du centre de détention juvénile où le héros travaille. On va s'en aller un petit peu plus tard dans le film, à peine plus loin en fait. On est à 6 minutes 20, on s'en va à 8:47. On va y arriver. Là, vous allez voir, c'est que là, il y a des prisonniers qui ont entendu parler le héros d'une mission au Vietnam. Fait que là. Est-ce que ça va aller? Je leur couvrirai de la pétasse! Tiens-moi ce trou! Il va pas sortir d'ici avant longtemps. La ferme! De toute façon, j'ai rien à perdre. Je suis condamné à prison à vie. Fais-moi plaisir. Envoie-moi au Vietnam. Au Vietnam? Pourquoi? Vous savez, la fille qu'ils retiennent au Vietnam. Écoute, mec, je la retrouverai, cette ménage. Ce sera du gâteau comparé à ce que je dois vivre ici. Ça serait peut-être une bonne idée pour sortir d'ici. Ouais, on va tous y aller. Bon, ça suffit à la fin. C'est peut-être à toi de la boucler, cette fois. Monsieur l'éducateur. Qu'est-ce que tu as dit? Ce que mon pote veut dire, c'est que vous exploitez le système. Vous nous recyclez jusqu'à ce qu'on soit mort. Le sale commando, c'est parce qu'il est pas propre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ou bien c'est parce qu'il dort dans une salle, commando. Et oui, donc, pardon, j'avais des petits problèmes de micro ici. Non, mais la magie de la chose veut que maintenant, on va s'en aller un tout petit peu plus loin dans le film. Fait que là, t'as pas entendu les niaiseries à ZA, là. Non, c'est ça, je m'excuse, Israël, vraiment. Je voulais savoir, ben, c'est une question, en fait, je te posais. Oui, oui. C'est ça le commando, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est parce que c'est un commando pas propre? Oui, c'est moralement que le commando n'est pas propre. C'est vraiment du monde jeune, dans le juvénile prison, okay, qui va sortir. Mais là, c'est ça, on va écouter, tu vas voir, ça va répondre à ta question, ouais, le prochain extrait. Ah, ben d'accord. Allez, on y va. Si je décide de le faire, je veux emmener des prisonniers avec moi. Et une minute, Oliver, je ne veux pas mettre les prisonniers en danger. Vous voulez votre fille ou pas? Je veux qu'on me la ramène. D'accord. Je veux faire une joke dans ma tête. Je veux qu'exceptionnellement le président gracie tous les survivants de cette mission. Eh oui, voilà. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais vous demander encore plus. Et n'essayez pas de négocier surtout. Dites-moi. Je veux 10 millions de dollars pour le service jeunesse de Californie. Sans compter la bibliothèque et le gymnase aménagé. Ok. Du calme, Prescott. C'est déductible des impôts. Et voilà. Et puis là, ben, il y a l'espèce de séquence, ça va être de toute beauté tantôt, les hackis vont fuser. Ouais. C'est la séquence que, tu sais, ils passent en revue différents dieux de dieux pour savoir c'est ouais, lequel le plus dieux de dieux qui va aller au Vietnam pour une mission qui va peut-être lui amener de l'amnistie. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que c'est parce qu'il mange au commensal, commando? C'est ça la joke que t'as pensé? Commensal, commando. Bruno, nouvelle. Oui, j'étais pas prêt. OK, alors, le Nordic Battle Group, un groupe de défense suédois, vient de perdre une poursuite légale concernant son logo. Sur l'ancien logo, on pouvait voir un lion tenant un laurier d'une main, un glaive de l'autre et arborant fièrement un pénis en érection. Un groupe de femmes soldats avait affirmé qu'elles n'arrivaient pas à s'identifier à cette image. On a donc dû castrer digitalement le lion. D'accord. Alors, Paul Carason, un homme de l'Oregon, est bleu. Littéralement bleu. C'est-à-dire que sa peau est bleue. Là, je parle pas d'un état d'âme. Là. Je parle de la couleur bleue. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Il est bleu. Paul Carason boit une solution à base d'argent qui, selon ses dires, peut guérir à peu près n'importe quoi. Il ne jure que par ça. Il ne croit pas que sa condition, appelée Argyrie, est causée par cet élixir. Cette condition, très rare, est causée par l'ingurgitation d'argent. Mais ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. OK, il prend une potion à base d'argent, il devient bleu, il pogne une maladie qui fait qu'il est bleu et qui est causée par l'argent, mais ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas à cause de ça. Non, c'est sûr. D'ailleurs, il devrait en boire plus pour la guérir. Pour la guérir, pense. Vu que c'est la solution à tous ses problèmes. Alors, on va écouter une petite séquence ici parce que ça fait tout le temps plaisir, c'est la marque de l'émission. Oui. Mais qui c'est ce Roach? C'est un type du gouvernement? Il est plus puissant que le gouvernement. Il habite plus puissant que le gouvernement. Il habite le gouvernement. Il habite le gouvernement. Il est plus puissant et que le gouvernement. Et c'est du film Electra. Electra, ben oui. Bravo. Ben oui, c'est vrai, t'étais là ou? Non, en fait, t'as été le voir à Fantasia quand t'étais jeune, puis tu me l'as montré dans ta chambre. Ouais, c'est mais ça. On l'écoutait en anglais, nous autres. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il existe. Oui, oui, il existe en français parce que ça, c'est des séquences en français. Ben ouais. On n'est pas capable de le retrouver le parce que. Le méchant s'appelle Coquerel. Le méchant s'appelle Coquerel. Ben, il l'appelle Roach, là, mais c'est une Coquerel, là. Mais ce qui arrive aussi, c'est que sur Internet, une des seules façons de faire disparaître quelque chose, c'est de faire quelque chose qui a le même nom. Fait que là, depuis qu'ils ont fait un film qui s'appelait Electra, ben l'ancien Electra, il est pratiquement introuvable. On a réussi à le retrouver. Bravo à David Valilé pour ça. Là, sinon, moi, j'ai d'autres séquences. Toi, tu veux-tu parler de Noël un petit peu avant qu'on retourne à l'entrevue? OK, oui, oui, d'ailleurs... C'est ça, j'ai passé un drôle de temps des fêtes, j'ai eu un accident, j'ai fait du tort. Es-tu tombé dans une fosse septique? Non, j'ai pas eu le pire des Noëls de ma vie. Puis j'ai décidé que ça en était assez, j'ai décidé d'arrêter de boire. C'était un choix très cocasse dans la vie d'un homme d'arrêter de boire, surtout pour un gars qui boit tout le temps. Mais je me suis dit qu'il était temps de se prendre en main, car des fois dans la vie, tu te réveilles à Québec le lendemain et ou tu te ramasses dans un rave à 10h le matin dans un entrepôt désaffecté avec du monde qui dort sur les côtés des palettes pété partout. Hein, Tommy, on a été là. Ouais, c'était assez weird, ça. C'était très bizarre. Puis là, tu sais, t'as fait de la drogue, t'es là, t'es réveillé, il est 10h du matin, puis tu bois juste pour boire. Puis là, je suis tanné de ça. Fait que j'ai une réduction d'année. résolution. Résolution. Puis ouais. J'ai décidé d'arrêter de boire parce que c'était comme ça. Ben, c'était très cocasse. Par exemple, j'avoue, moi et Tommy, on s'est vraiment senti comme dans un film quand on s'est ramassé dans un entrepôt désaffecté avec des gens qui dormaient sur les bords et des palettes pétées partout, puis... avec un gros stage puis un DJ qui passait des lasers. Ouais, c'était weird. Oui, c'était assez weird. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que des fois, quand t'es rendu à te ramasser dans des places que tu trouves bizarres, ou bien que tu te réveilles à Québec en disant « Comment ça que mes chums sont partis? » Abandonnant le pauvre Israël. Il est temps de peut-être, de peut-être prendre un break. Et j'incite tout le monde qui se sent BS un moment donné dans le vide d'arrêter un peu. Moi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de boire. Puis je sais que je vais recommencer. C'est pas grave. C'est important des fois de prendre des breaks pour se recentrer, je dirais. Oh, c'est bien dit, ça. Moi, ouais. Je suis d'accord avec ça. Hein. Ouais. Pendant qu'on a ActRaiser en fond sonore, je sais pas si je l'avais dit au début. Oh, non. Tu l'as pas encore dit, okay, d'ailleurs. OK, bon, ben voilà, c'est ActRaiser en fond sonore. Sinon, ben, moi aussi, il m'est arrivé des belles aventures. Ouais, ben, raconte un peu. Je veux que tu me racontes. As-tu des beaux cadeaux? Oui, ça a été correct. Moi, j'ai surtout bottes. Eu un téléphone de Michael McNamara, oui. Des Twin Dragons ouais. Moustachus, qui accepte qu'on aille l'interviewer prochainement. En fait, au début février, on va sûrement monter moi, JP... Et puis, ben, les autres amis, on va aller voir Michael ouais. McNamara ainsi que Martin McNamara pour voir s'il y en a réellement un qui s'est rasé la moustache depuis. Et puis, si, c'est bien sûr en marque de respect qu'à partir de maintenant, on va tout se laisser pousser le pinch, là, parce que okay. C'est quand même les Twin Moustache Dragons. En fait, je tiens à souligner que les Twin Dragons Moustachus, c'est d'un de leurs films que sort la passe les ninjas ne se battent jamais la nuit. On leur donnera des lampes torches électriques. Oh, oui. Ils n'y espèrent pas avec ça. Les ninjas ne se battent jamais. Jamais. Non. Hey, on va continuer à introspecter là-dessus. On va aller se replonger dans une autre séquence de l'entrevue avec M. Réal V. Benoît, qui est venu donner ça juste avant Noël. Et on revient pour le fun après. On revient pour la fin du fun. En tout cas, à tantôt. La personne de ma vie, tu sais, ça n'en allait pas là pour ça. Ça en allait juste manger une bonne sandwich ouais. D'un restaurant qui aime en particulier. Bang, arrive en pleine face avec quelqu'un, puis ça change sa vie du tout au tout. Tu sais. Ça, ces affaires-là, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Pour se remettre, mettons, dans le bain un petit peu, là, début années 70, quand Réal V. Benoît avait enregistré des vénères, là, ouais. Est-ce qu'il peut faire ça à Rouen ou il faut absolument monter à Montréal? C'est impossible de faire ça à Rouen. Je veux dire, ça se faisait dans des studios. Tu dois déjà entendu parler de Dennis Pentis qui contrôlait à peu près toute la section musicale du Québec. C'était pas juste moi, là, c'était tout ouais. Le monde. Moi, je me rappelle, les studios coûtaient 400 $ de l'heure. Moi, c'est ça qu'on m'avait dit quand j'ai enregistré le 5$ avec l'équipe. Le premier, hein? La première fois que j'ai enregistré le 5$ avec l'équipe de Dennis Pentis, là, il me disait à moi que le studio coûtait 400 $ de l'heure. Donc, moi, là, en Abitibi, là, qui fait des chansons, là, je pouvais pas me payer absolument pas ça. C'était impossible. Donc... ces gens-là m'ont découvert sur des bobines. On avait des bobines 7 pouces, là, tu sais, les grosses ouais. Bobines. Moi, j'avais ça. J'avais emprunté ça de Claude, d'ailleurs, parce que moi, je n'étais pas capable d'en acheter une, mais lui, il en avait une. Une bobine 7 pouces. J'avais enregistré là-dessus une vingtaine de chansons, tout seul avec ma guitare, que j'ai fait parvenir à... Hey, c'était Mark Hamilton puis Normand Bouchard, deux gars de Montréal. Mark Hamilton, il chantait comme j'ai toujours envie d'aimer. Ouais. Ça venait juste de sortir, cette chanson-là. C'était mon gars partout. Lui, il avait de l'argent dans sa maison. Il avait un studio assez bien organisé. Ouais, je m'adonne par hasard à envoyer une bobine, moi, à son gérant, à Mark Hamilton. Tu sais. Puis lui, encore par hasard, en écoutant ça, il dit... Je me rappelle, il m'appelle à Rouen, il dit « T'es unique ». Il dit « Il n'a pas des comme toi ». Puis il ça, dit « On veut faire un album... » un peu comme tu m'as envoyé ta bobine, tu sais. Puis on aimerait ça, tu descends à Montréal, on ferait un démo avec ça. C'est comme ça que ma vie, mon premier contact avec lui, puis ma vie, elle s'est passée. Moi, je la fin de semaine d'après, je suis rendu à Montréal, puis lui, il avait trouvé un musicien, puis il dit, on va faire un démo avec tes chansons. Donc, à travers les 25 que j'avais envoyé, je pense qu'on avait choisi 16 ou 17 chansons. Et puis, j'ai passé toute la fin de semaine chez Mark Hamilton, moi, à partir du vendredi, jusqu'au lundi où je suis allé travailler. Là. J'étais chez Mark Hamilton dans le sous-sol chez eux, où mon gérant du temps, il était à la console, pareil comme le monsieur ici, là. Et puis, il y avait moi qui jouais de la musique avec un autre guitariste, puis nous autres, on faisait nos chansons. Mettons qu'on fait la routine, on la faisait 5 fois. Mettons qu'on faisait Chiol Dompa, on le faisait 5 fois. Ouais. À travers de ça, eux autres, ils pouvaient choisir. Ouais. Probablement, c'est ça qu'ils ont fait. C'est du disque là? On a fait ça comme ça, 16 ou 17 chansons comme ça. Puis moi, je me suis en allé chez moi, sauté dans mon auto, puis je me suis en allé travailler. Puis trois semaines après, j'ai reçu chez moi, sans que personne me demande aucun avis, sans que personne me demande rien du tout, j'ai reçu chez moi le premier album vinyle qui s'appelait « Tout croche », qui avait été enregistré par ces gens-là, puis qui avait été était distribué par Polydor. Polydor, ça existe encore aujourd'hui, c'est une énorme compagnie de musique. C'était une énorme compagnie aussi dans ce temps-là. Puis eux autres, ils distribuaient ce disque-là. Qui... C'est ce disque-là qui sonnait à la guitare d'un bar. Avec Arlene, oui. puis moi, comme je te dis, j'essaye des fois, de l'excuser, mais moi, ils m'ont rien demandé. Moi, c'est pas moi qui ai mis la musique sur un bar puis la voix sur l'autre bar. Non, je veux dire, c'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi les gens y ont fait ça? J'ai jamais eu de réponse qui m'ont satisfait. Ça devait être très fâchant. J'étais... Sur le coup, j'étais pas fâché tant que ça parce que j'avais reçu un vinyle, moi, là. J'avais fait un album, puis j'avais réussi, là, en me débattant, puis en passant à faire ça. Donc, il y a eu une période euphorique, là, où je faisais jouer ça à tout le monde. Puis, hey, regarde, ça, c'est bon, regarde, c'est mon le fun. Regard, c'est à moi, ouais. Mais avec le recul, à un moment donné, moi, j'arrive à Montréal avec mon album, puis j'étais à CJMS, c'était la plus grosse station du Québec dans ce temps-là. Ici, là, à côté du terminus d'autobus, Colin, on est tout proche, là. J'arrive avec un animateur, je te dirai pas le nom, il est encore un animateur aujourd'hui, ce gars-là. Il dit, puis c'était le plus grand dans ce temps-là, là. Et puis il dit, Réal, jamais je vais jouer ça. Jamais je vais jouer ça à la radio. Que tu sois là pour ouais, te dire. Ça fait mal. Mais oui. Ça fait mal à un gars de 27 ans qui a mis toute son énergie, tout son cœur, tout son dans son disque, puis il arrive à la radio, puis il se fait dire « Jamais je vais jouer ça ». D'autres stations de radio à Montréal, on était sur la rue Sainte-Catherine, je pense, on frappait à la porte en bas, puis il nous ouvrait pas la porte. Parce qu'il voulait pas nous voir, puis parce qu'il voulait pas nous voir, puis parce qu'il voulait pas jouer cet album-là. Là, j'ai commencé à me poser des questions, moi, sur les ça a-tu changé? Ben oui. Ça a-tu changé, vraiment? Quand on frappe aux portes aujourd'hui, tu penses que ça a changé beaucoup? Ben, ça a changé. Regarde, on est ici avec eux autres. Tu veux dire ces grosses stations-là? Oui, ouais, si tu veux, je te dis. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces villes-là, c'est qu'ils ont bien vieilli, parce qu'à cette heure-là, il y a plein de groupes qui font de la merde, puis tout le monde savait bien les acheter, des disques qui sonnent tout croche, parce que c'est comme un nouveau son. Te paraît que t'es un des premiers punks québécois, d'ailleurs, pour ça? Oui, oui, Israël. Fred Fortin, il me dit, moi, Réal, j'y donne mes albums que comme je viens de faire avec toi là, et j'aime mieux tes premiers albums puis tes premiers vinyles. Tu sais, Fred, on prend une bière ensemble, là, on jase là, puis moi ça me fait un peu de peine parce que j'ai regretté pendant 30 ans de temps d'avoir fait ce que j'ai fait là. En n'ayant pas le pouvoir de le changer, je veux dire, moi, j'ai été obligé de porter ça sur mon dos pendant 30 ans de temps. Ce que je viens de te raconter, que les gens voulaient pas le jouer parce que c'était trop laid, c'était pas bon, c'était pas jouable à la radio. Puis là, je fais quelque chose de... Moi, je fais quelque chose aujourd'hui que je me dis dans moi, c'est ça que les gars, le trésor retrouvé, je me dis, moi, c'est ça que les gens auraient dû faire avec ma musique en 1972. Puis je me dis, dans le fond de moi-même, si j'avais eu, en 1972, l'album qui s'appelle « Trésor retrouvé », qui sont les mêmes chansons que Réal V. Benoît, puis j'étais arrivé à CJMS avec ça, probablement qu'il aurait joué, mon album, comme il aurait joué l'album de n'importe quel autre artiste qu'il y avait dans ce temps-là. Puis moi, ben en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Puis moi, j'aurais peut-être pas passé 42 ans de ma vie à le fond d'une mine à creuser des trous dans la roche. Tu comprends-tu, mon... Je pense que j'aurais eu plus de chance avec l'album comme ça que mon vinyle que tu dis aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est le fun, puis c'est... Mais moi, je trouve... le mythe dans l'œuf, peut-être. Oui, parce peut-être que ça justement, serait justement, le fait d'avoir été indépendant toute ta vie, si on veut, indépendant, de parenthèse, parce que tu faisais pas mal tes affaires tout seul, ça, c'est bien plus notoire d'être connu dans l'indépendance que d'être connu parce que tu passes tout le temps à radio. S'il y a du monde qui te connaît, c'est parce qu'ils te connaissent vraiment à cette heure. Puis ça, c'est important. On pourrait faire du name-dropping assez facile sur des auteurs, compositeurs, interprètes, ou plutôt interprètes, plutôt ils font de la vase pour nos oreilles et assez immonde. Là. Claude qui prend son auto tout le temps, il doit écouter de la radio. Ben, c'est assez... la pollution totale. Ah, ben oui, souvent. Ben oui, puis nous autres, on te connaît. Il nous oblige à l'écouter. Aussi. Parce c'est que ça, tu pitonnes la prochaine station, puis c'est la même chanson qu'il a joué 10 minutes avant. J'aime mieux choisir, moi, d'écouter mes artistes que je veux entendre. Ouais. Je suis beaucoup parti de l'Abitibi jadis parce que c'était un besoin de culture différente, parce que dans ce temps-là, on avait 3 canaux de radio. Et puis, je me rappelle une aventure, j'étais dans mon auto, puis là, je mets un canal, c'est Jerry Boulet. Moi, j'en ai jusque-là, Jerry Boulet. Là, je change de canal, je vais au deuxième, c'est Jerry Boulet. Là, je me dis, s'il vous plaît, Radio-Canada, c'est Jerry Boulet. Fait que là, j'avais le choix d'écouter Jerry Boulet, Jerry Boulet ou Jerry Boulet. Ça, c'était la radio abitibienne, j'adis. Il manquait quelque chose, tu sais. Mais c'est la même chose chez Montréal. Ah, ben, c'est sûr. Ben, c'est un petit peu plus varié, puis ils changent les noms, mais je veux dire, Marimé, puis. Il y a les postes de Montréal qui sont en chaque région. Nous, on est allés au vieux clocher de Sherbrooke, puis ça, je vais vous conter une anecdote. Là, que ben, go! On l'a vraiment. C'est le cœur, un peu, celle-là. Non, on a le cœur d'abord, le cœur. Écoute. Moi, j'envoie de la publicité au poste de radio local là-bas, là. Un gros poste, un gros nom, là, tu sais, là. Ça commence par radio, là. Fait que, là, on arrive là, puis la madame du... On est là, là. On, physiquement, on est là. Le show, là, il va... À Sherbrooke. Le show, là, il va jouer, là. Ça va t'asseoir, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que là, la madame, elle me dit, la madame du vieux clocher, pas M. Caza, mais sa secrétaire, elle dit, Monsieur Knight, elle dit, il n'y a pas eu de publicité. J'ai dit, quoi? On a envoyé des posters, on a envoyé toutes sortes d'affaires, des disques, des stations de radio, puis tout ça. Ben, elle dit, on n'a rien entendu nulle part. Fait que moi, j'appelle. J'ai dit, madame, j'ai dit, avez-vous eu l'album? Elle a dit, oui. Mais j'ai dit, vous l'avez pas fait jouer? Elle a dit, on n'a pas le doigt. Pourquoi? J'ai dit, j'avais pas le doigt. Elle a dit, non, elle a dit, c'est tout géré par Montréal. Elle a dit, si eux autres, ils nous disent pas de jouer la chanson, on peut pas la jouer. Ah. Alors, ce même groupe-là, eux autres-là, là, ben, comme Pierre Lapointe l'a nommé à la disque l'année passée, là, quand Pierre Lapointe, il lui a dit, là, réveillez-vous, là, il se passe quelque chose au Québec, il y a de la musique au Québec, il n'y a pas juste tout le temps la même affaire. Là. Ben oui. Mais c'est ça, eux autres, ils contrôlent tout le marché musical, puis c'est ça qui est dur. Israël, tu sais, toi, comment ça marche. Je le sais, oui. Là, t'envoies toute ton affaire, ça coûte de l'argent, là. Le gars, il dit pas, envoie-moi pour moi, si quelqu'un me dit, envoie-moi pas tes affaires. On le fera pas jouer pareil. Mais au moins, tu économises tout cet argent-là. Ben oui. Mais tu les envoies une pochette des de plage. Des efforts et des espérances aussi. Tu les envoies un disque, tu les envoies un DVD, tu les envoies des posters, tu les envoies une bio, tu envoies tout ça, là. Mais ils ne disent pas, là, envoyez-moi le pas, parce que tu leur parles au téléphone. Ah oui, M. Knight, envoyez-moi ça, ça nous intéresse. Après ça, t'arrives le show, puis il n'y a pas un show au show. Pourquoi? Ben, tu sais, c'est pour ça que... On va taper la table, puis on va penser que c'est la madame. Tiens, vilaine. C'est la même chose chez nous. À Rouen. Tu parlais de 3 stations tantôt. Il y a encore 3 stations. Oui, puis il y en a une qui commence par radio, puis il y en a une qui commence par Radio-Canada, puis il y en a une qui commence par Radio Nord. Bon, ce sont 3 c'est là. Le cas, c'est sûr. Il y en a 2 qui nous disent bonjour, puis qui nous parlent, puis qui font jouer les albums. Puis quand on est là, puis même quand on n'est pas là, parce que je sais que demain, le gars, il va en passer quelques... Ah oui. Je le sais, ça. Il me l'a dit avant que je parte. Mais il y en a une autre radio où on a frappé à la porte. C'est chez nous, là. C'est à Rouen, là. Puis on est allé les voir. Puis le monsieur, il dit... Il est gentil comme tout, là. Il dit, moi, je peux bien envoyer votre album à Montréal, si vous voulez. Mais il dit, ils la joueront pas. Ça, il dit, je suis pas sûr qu'ils vont l'écouter. Problème, il dit, je peux-tu avoir le nom de la personne qui va la recevoir pour au moins y téléphoner, voir ben, si elle l'a reçu. Il dit, il te répondra pas. Il dit, je vais te le donner, son numéro, mais il dit, il te répondra pas, tu sais. Fait que toi, j'ai dit, t'es-tu capable d'en jouer quelques coupures? Il dit, non, on n'a pas le doigt. Ben oui, ils sont gérés par un CRTC. Il faut que ça vienne de Montréal. Ben non, mais justement, c'est ça jouer qui des tunes d'un artiste de la région. C'est un peu dégueulasse parce qu'ils viennent chez nous et ils ont des commanditaires à toutes les 15 minutes. Les autres là qui passent dans leur... Ça fait quand même pas mal de stock. On parle avec M. Claude Hernet et Réalvé Benoît. On va continuer, bien sûr, dans le futur. Pour l'instant, on va aller dans... comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Sale Commando en version originale. C'est Soldier Boys. C'est un film de 1997. Et puis, bon, on va écouter quelques séquences audio ici. Vous allez comprendre que Michael Dudikoff, la discipline dans son unité, c'est quelque chose de primordial. Ils nous forcent à bouffer ça depuis 3 jours. Merde, c'est des restes du Vietnam, je vous le jure. Demande à Oliver de t'envoyer un cheeseburger ou une pizza. Toi, mêle-toi de ton cul, ça me fera des vacances. Non, les pauvres chéris, ils n'aiment pas le petit-déj. Et toi, on t'a rien demandé, alors ferme ta gueule. Calmez-vous, les mecs, il y a Oliver qui arrive. Mais là, on a foutre. Bonjour, mesdames. Et on se lève. Maintenant. Tenez-vous droit, les bras le long du corps. J'ai dit, on se tient droit, Vasquez. Épaule en arrière. Punch. Comment était le petit-déj? À chier, mec. À partir de maintenant, si tu as des questions ou des commentaires à faire, tu devras les commencer et les terminer par le mot chef. Ouais. Ah, ils sont sortis de prison en pensant que ça allait être une marche dans le parc, le Vietnam. Je crois que t'as pas très bien saisi, mon petit gars. J'ai dit, si tu t'adresses à moi, le trou qui te sert de bouche doit commencer et terminer par le mot chef. Alors, c'est assez clair? Chef. Mes burnes sont coincées. Chef. Je vous demande encore une fois, comment trouvez-vous vos délicieuses rations, monsieur Putz? Chef. C'est le pied pour un mange-merde de candidat au suicide, chef! Faudra vous y habituer! À compter d'aujourd'hui, vous mangerez, boirez et vous comporterez comme des soldats. Vous êtes en mission pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, pour changer, pas seulement la vôtre! Es-tu en train d'y écraser les gosses, là? Ouais, c'est ça, okay. Il voulait vraiment inculquer la discipline en passant par... Les gosses. C'est par là que ça passe, je sais pas. Nouvelle! Ouais, un petit fait intéressant avant de commencer ma nouvelle. Saviez-vous qu'au Vietnam, ils appellent ça la guerre américaine? En tout cas, ça a du sens. OK, alors, selon le Dr. Brooks A. Agnew de Phoenix, il y a des gens qui veulent nous cacher la vérité sur le fait que notre planète est vide. Elle ne serait en fait constituée seulement de la croûte terrestre et d'un soleil intérieur. Oui, selon lui, il y a au pôle Nord un passage qui nous mènerait vers la Terre intérieure où nous pourrions enfin vivre en harmonie. Mais le gouvernement des USA nous cache la vérité car il n'y a aucune photo satellite publique du pôle Nord. Aidez le Dr. Agnew à entreprendre une expédition au pôle Nord. Pour seulement 2 millions de dollars, nous saurons enfin la vérité. Ou pour le citer, c'est peut-être l'expédition géologique la plus importante de l'histoire. La terre est vide. On va aller amener des biches, on va amener des kangourous, et puis tout le monde y va aller dans le bonheur et dans la joie, se tenir la main et descendre dans le centre de la terre pour aller jouer avec les amis. Dans le soleil intérieur. N'importe quoi, en sapristi. Ah, c'est la fin de 70%. Merci Bruno, merci Emma, merci Émilie au début, merci. Israël, merci beaucoup. Merci à JP qui est là tout le temps avec sa caméra. Merci au Twin Dragon. Merci à Émilie au début. Merci à la nouvelle année de radio qui commence. Écoutez Choc FM, c'est l'alternative urbaine. Je sais plus si ça marche encore comme slogan, mais on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous amener de quoi d'original à chaque semaine. Pour l'instant, on va écouter du Ray Alvé Benoît et la toune Vive le Joual, qui est la nouvelle préférée d'Israël. Ouais, c'est ma toune. J'ai un mot de la fin. Vas-y, mon gars. Alors, 2008 sera l'année internationale de la patate. C'est de toute beauté. Merci, Bruno. Merci beaucoup. On écoute ça. On revient à 70% la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller voir aussi au douteux.webng.com. C'est le nouveau site des visionnements. Douteux, avec le X à la fin, .webng.com. Salut, la gang. Là, c'est vrai qu'on lâche. L'on nous accuse assez souvent de parler plus joual que français. Je ne vois vraiment rien de mal là-dedans, je ne sais pas pourquoi on changerait. On se comprend, c'est ça le principal. Vive le joual. Depuis le temps que l'on est entouré de tous les côtés par des Anglais, c'est normal qu'ils se soient glissés quelques mots qui ne soient pas français. Ça ne veut pas dire cela qu'on parle mal. Vive le joual. Y'en a qui se donnent un mal immense pour essayer de nous franciser. Ils veulent qu'on parle comme les gens de France. Nous autres, on n'est pas intéressés. Pourquoi, mon Dieu, se donner tant de mal? Vive le joual. On reproche pas aux Américains de ne pas parler comme leurs ancêtres. On trouve qu'ils parlent très très bien, encore mieux même qu'en Angleterre. C'est même langue internationale. Vive le joual. Les mots joual que l'on utilise ne sont pas nécessairement mauvais. Expriment parfaitement ce qu'on veut dire et ont même un certain attrait. voyez, dans le fond, ce n'est pas si mal. Vive le joual. Comme conclusion, mes chers amis, parlez donc joual si ça vous tente. Le joual vaut bien, à mon avis, le jargon qui nous vient de la France. On se comprend, c'est ça le principal. Vive le joual, vive le joual, vive le joual. Lundi 7 janvier, vous écoutez l'épisode 24 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de